Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto, émission du 14 mai 2015. Oui, on est un petit peu en retard cette semaine, petite nouveauté de notre ami Jean-François qui s'est trouvé un nouvel emploi et donc mardi, on voulait pas faire le show sans lui. Alors on a retardé ça un petit peu, en passant, bonjour Jean-François. Ben bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va très bien, un peu fatigué par exemple. Ouais, j'imagine. Puis il y a aussi Martin Sagala, Martin qui s'était mis volontaire pour m'endurer à lui tout seul pour l'enregistrement de mardi normalement. Mais finalement, j'ai été gentil avec lui, j'ai dit « gars, on va remettre ça à jeudi, puis vous allez vous séparer la tâche à deux ». Donc, salut Martin. Salut Luc. Ça va? Oui. Bon, donc, c'est ça, Jean-François, j'imagine qu'on peut dire ce que tu fais. On peut-tu le dire, ce que tu fais? Ben oui, je suis intégrateur web chez les Alouettes de Montréal. Et ça, donc, Jean-François, quand il y a un tweet des Alouettes qui apparaît sur les internets, ça vient de lui. Non, pas le non? tweet. Non, pas tout le, ce okay. qui est sur le site web. OK, bon, ce qui est sur le site web des Alouettes, ça vient de lui. Alors, c'est ça. Je me reprends. Donc, c'est quand même pas si pire. Puis mardi, c'était le repêchage. Ouais. Puis t'as été une petite affaire occupée. Une petite affaire, mais c'était super le fun. J'ai pu voir c'était quoi un repêcheur dans une équipe. Donc, c'est vraiment le fun. C'était assez intéressant, j'imagine. Ouais. Donc, messieurs, on va commencer. On va avoir quelques sujets cette semaine. On va effleurer des sujets cette semaine qu'on va vous parler la semaine prochaine, dont le lancement de la nouvelle Camaro Chevrolet qui a annoncé un petit bout de temps que la Camaro allait être la nouvelle Camaro, donc de sixième génération, allait être lancée le 16 mai. Donc le 16 mai, c'est en fin de semaine. Ou si vous écoutez le show en retard, c'était la semaine passée. Mais 16 mai 2015, présentation de la nouvelle Camaro. C'est un redesign complet, c'est pas juste une modification de ce qui existe présentement. Ça a l'air que c'est à 100% nouveau, il n'y a pas vraiment grand-chose de l'ancienne qui reste. On parle de quoi? On parle de perte de poids quand même assez majeure. On parle de... Il y a des rumeurs d'un 4 cylindres turbo. Je sais pas où ce qui aurait été prendre ça, par exemple, l'idée de mettre un 4 cylindres turbo dans un muscle car. Je sais pas. Il y a pas Ford. Pas d'où ça vient. Non, il y a pas Ford qui a fait ça récemment. Mais on s'entend que c'est pour diminuer l'utilisation de l'essence, avoir des bons chiffres pour la norme café aux États-Unis. Il faut que que chaque constructeur atteigne un certain quota de mille au gallon et tout ça avec leur flotte. Des véhicules, ouais. C'est ça. Donc, une Camaro 4 cylindres turbo permettre de bâtir des Corvettes avec des V8 à pu finir. C'était d'ailleurs une autre époque. Je sais pas si vous vous rappelez, dans les années 80, à un moment donné, tous les constructeurs américains avaient leur constructeur japonais associé qui fournissait un petit véhicule bas de gamme quelque part dans le line-up. Tu sais, il y avait un Dodge Colt qui était une Mitsubishi. Il y avait, je me rappelle même, des Chevrolet Nova qui étaient des Corolla. Mm-hmm. C'était juste pour rencontrer les normes d'émissions. Ouais, c'est ça. Oh, ouais. C'était pas parce qu'ils voulaient les vendre, mais c'est parce qu'il fallait à quelque part. Ça sauvait d'en produire soi-même. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ce qui se passe aussi avec les véhicules hybrides, les véhicules électriques. Les gros constructeurs ont pas nécessairement le choix d'en faire pour certains États qui ont des lois zéro émission, des choses comme ça. Fait que ça en prend dans ces États-là, mais ça permet à Chevrolet, à Ford de construire des Shelby GT500, des Camaro avec Suburban à profusion. Ça aussi. Donc, ce nouvel Camaro qui va être dévoilé le 16 mai, on va vous en reparler la semaine prochaine avec tous les détails. Là. Il y a pas à date, il n'y a pas vraiment grand chose qui est sorti. Quelques clichés là, vraiment assombris des lignes générales et tout ça. Je vous dirais qu'elle va probablement encore pas mal ressembler à une Camaro. On n'ira pas trop loin du style actuel, là, mais des rumeurs qui ressemblent un peu à ce que Bumblebee était dans le dernier Transformers. En autant que le char soit meilleur que le film, on va être correct. Parce que sinon, ils sont dans le trouble. Mais j'ai bien hâte de voir ça. Il y a eu une autre nouvelle quand même assez intéressante aussi. Mazda qui a signé une entente avec Toyota pour partage de technologie et tout ça. Ça a été signé, je pense que c'est aujourd'hui ou c'est cette semaine en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est finalement... Toyota aimerait bien mettre la patte sur la technologie SkyActiv de Mazda, qui est une technologie moteur, transmission. C'est plus que ça, c'est manière de construire la voiture aussi, SkyActiv. C'est C'est la comment. philosophie de comment construire un véhicule. C'est ça, comment s'arranger pour que l'air prenne moins dans la voiture. Ça va même au châssis de la voiture. On fait des angles au lieu de faire des espèces de carrés où l'air s'engouffre, puis ça fait de la résistance. On va mettre un angle pour que l'air s'écoule mieux, ces choses-là. C'est toute cette espèce de technologie-là avec le langage CODO, qui est l'âme du mouvement. Qui est la philosophie présente de Mazda, ben Toyota aimerait mettre la main là-dessus. Puis ce que ça va faire, c'est que Toyota va pouvoir mettre Mazda va pouvoir mettre la main sur les technologies de piles à combustion, donc voitures à hydrogène et voitures électriques et électriques branchables, Hybride. hybrides branchables que Toyota a avec la Prius C, des choses comme ça. Donc, on va être capable de se partager ces technologies-là. C'est vraiment ce que Toyota veut. C'est le SkyActiv, puis cette espèce de philosophie de comment construire une voiture comme ça. Puis Mazda, elle veut avoir les technologies hybrides parce que Mazda, c'est pas un gros constructeur, hein. Mazda, c'est vraiment un petit, très petit constructeur. Puis pour avoir fait ce qu'ils ont fait, puis être rendu ce qu'ils sont rendus, c'est assez exceptionnel d'avoir été capable de faire ça. Ce que je trouve vraiment drôle, c'est que tu vas avoir la compagnie qui fait les voitures les plus plates, les plus endormantes que tu peux pas avoir, là, ce qui est vraiment là, beige pâle. Puis tu vas avoir de l'autre côté Mazda qui essaye de mettre un peu de piquant, un peu de vroom-vroom dans toutes les voitures qu'ils construisent. Là, t'sais, chez Mazda, il y a toujours un petit peu de Miata dans à peu près tout ce qu'ils font. Fait qu'il y a un petit peu de Miata dans le CX-5, qui est le VUS, il y a un petit peu de Miata dans la Mazda 3 puis dans la Mazda 6. C'est un peu la philosophie de Mazda, c'est de que les voitures soient le fun à conduire. Des fois, c'est au détriment de d'autres choses, mais c'est des voitures qui sont le fun à conduire. C'est jamais plate à conduire une Mazda. Puis, je veux dire, ma Mazda 3 2008, je l'aimais beaucoup. Puis des fois, je passais d'une voiture de presse flambant neuve à ma Mazda 3 2008, puis je me disais, maudit, quel fun à conduire cette Ça a une voiture-là. belle sportivité. Ouais, C'est même pas si. sport, mais c'est amusant, c'est le fun. C'est ça. Ça se prend pour un char sport. Ouais. Fait que tu sais, c'est vraiment aux antipodes, là. Tu prends C'est la sûr que ça, puis le Corolla. Corolla, Tu ouf, sais, ouais. c'est vraiment différent, là. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va donner des voitures chez Toyota qui sont un peu plus vivantes et Ouais. en design et en agrément de conduite, tu sais, parce que à part la FRS chez Toyota, puis ils ont tué à Ce peu près tout ce char-là, qui est ça a-tu intéressant, là. été un moyen flop? Ben, c'est pas un flop, c'est comme elle se fait chez Subaru aussi en BRZ, mais c'est parce que le Ça a monde jamais veut. levé. Non, mais c'est parce que ça lève pas, parce que le monde veut toujours plus. Le monde, beaucoup de gens pensent que pour qu'une voiture sport soit le fun à conduire, ça y prend 300 chevaux. Mais le meilleur exemple, C'est pas ça. Comme une Miata. c'est ça. C'est le La fun. BRZ puis la FRS, c'est une Miata, pas convertible. C'est une voiture qui est amusante à conduire, même si Ah, ça, j'ai c'est pas pas de super dire que rapide. ça te croit, ça doit être le fun. C'est juste parce que ça prétend plus que ce que ça rend. Peut-être. C'est une voiture qui. C'est un peu comme, je disais à un moment donné, la Hyundai Veloster. Ouais. Ça a un look d'un char ultra sportif, mais ça. Ouais. T'sais, c'est pas aussi. Ça répond pas aussi bien qu'on peut penser que ça répond quand on la regarde. Mais ça Un peu reste. womp, un peu comme un CRZ. Ouais. Elle avait fait ça aussi. CRZ, ouais. Ça avait l'air le fun quand on le regardait dans une cour. Mais du moment qu'on s'asseyait dedans et qu'on allait faire un tour avec, c'est womp, womp. Ouais, mais ça, la CRZ Ah, c'est un autre cas, là. Je sais, Honda est en train de ça la a refaire. rien, Non, ça a mais rien d'amusant. Honda a dit qu'il la refaisait pour 2017-2018. Ça va devenir un vrai char sport. Oublie l'hybride, là, c'est Non, fini. non, j'ai entendu ça aussi, mais là. Ouais, fait que là, c'est supposé devenir. Il parle de l'appeler Civic CRZ. Pour la mettre dans la famille Civic, puis lui donner un peu ce qu'elle aurait toujours dû être, c'est un remplaçant de la CRX. juste l'appeler CRX ferait pareil. Ouais, ouais, ouais, mais ouais, mais peut-être. On comprendrait, puis probablement que ça serait encore plus vendeur. Probablement. Ben, peut-être qu'ils vont faire ça aussi. Mais là, ils parlent d'y donner un look un peu de la Cura NSX, comme une petite NSX, avec un moteur de 200, ils parlent de 250, 275 forces. Tu sais, ça pourrait être le moteur de la Civic SI. Là. Le monde ne demande pas tant que ça. Puis la Civic SI, c'est le fun. Mon Civic SI en plus court, allégé, c'est déjà. Tu sais, ouais. Petit Civic SI, deux places. Comme la CRX était finalement. Ça, ça pourrait être quand même pas super. Donc, c'est ça. Il y a eu ça aussi qui a sorti comme nouvelle. Il y a Porsche qui s'est construit un centre de. Un centre de développement et une nouvelle base à Atlanta, en Géorgie, pas loin de l'aéroport. Ça va être un centre de test pour les voitures. Il va y avoir un musée là-dedans de voitures classiques de chez Porsche. Il va y avoir une piste où on va pouvoir aller essayer les voitures. Ben, je m'exclus là-dedans, là, puis j'exclus la majorité du monde qui écoute probablement. C'est comme un des mortels. Ouais, c'est ça. Mais les clients... c'est marqué ici, c'est marqué sur le relevé de presse, le document de presse qui est sorti. Comme quoi, même les fans allaient pouvoir y aller pis tout ça. J'ai comme l'impression que si t'arrives là pis tu dis ouais, j'aimerais ça essayer une 911 sur la piste, vous êtes qui, vous? Mais ça pourrait quand même être pas pire. Ça va être un centre intégré, voir des salles de conférences, il va y avoir un centre de développement. Ça va être la place principale là, pour Porsche en Amérique du Nord. Fait que ça pourrait être intéressant. Là. Ça a coûté comme une petite fortune, je pense. Ça a dû coûter une beurrée à voir les photos. Ouais, je pense que c'est comme 100 millions en affaire de même que ça a coûté. Là. C'est quand même pas donné. Là. Mais c'est leur nouvelle base. Puis les gens de Porsche ont l'air très, très fiers à ça. Puis ça a l'air d'être une première dans le monde de l'automobile, qu'il y a un centre comme ça où il va y avoir du développement, il va y avoir, c'est le quartier général de Porsche, il va y avoir une piste où ils vont pouvoir tout faire va les se tests. Passer, là. C'est ça, fait qu'il va y avoir beaucoup de développement dans cet endroit-là, ce qui va promettre est assez intéressant. Fait que c'est pas mal ce qui fait le tour des nouvelles récentes. Là. Il y a sûrement d'autres choses, il y a plein d'affaires qui se brassent. Récemment, là, je sais que certaines personnes ont été essayées le Mazda CX-3, le nouveau petit bébé VUS de chez Mazda, puis le Honda HR-V aussi qui a été testé par certains journalistes, dont je ne fais pas partie. Ça a l'air que le CX-3, c'est très bien, c'est super le fun à conduire. C'est juste un peu vache au départ qu'ils disent là, que c'est pas ultra pépé quand tu... démarre d'un stop ou d'une lumière rouge, mais qu'un coup que c'est lancé, ça va très bien puis c'est confortable. Ça a l'air que c'est un peu serré en arrière pour les passagers. C'est pas ultra grand, là, mais c'est basé sur une base de Mazda 2. Fait qu'on peut pas s'attendre à ce que ça soit la grosseur d'un CX-5. Il y a un CX-5 pour ça. Puis le HR-V, c'est un peu différent. Ça a l'air qu'il y a beaucoup d'espace en arrière parce que c'est basé sur la Fit. Donc, il y a le même système de siège qui peut se cacher dans le plancher, là, puis qui peut se placer pour être capable de mettre un vélo de travers à l'arrière. Puis ça a l'air que c'est très bien fait à l'intérieur. Là, il va juste voir comment ça va se comporter sur nos routes, puis comment ça va réagir là, un coup que le public va être dedans. J'ai l'impression que ça va être un segment qui va se vendre très bien, par exemple. C'est un segment qu'on pourrait comparer à des petites grosses. Ouais, ben. C'est que c'est des très petites autos, mais bacaille un petit peu plus costaud, un petit peu plus haute sur patte. Ouais, c'est ça. C'est une Mazda 2 haute sur patte, puis une haute sur patte. Ouais, tu peux dire ça de même, peut-être. Mais. Tu sais, ça me rappelle quand j'étais jeune, les caravanes venaient de sortir. Ouais. Il n'y avait pas vraiment de nom, tu sais, une mini fourgonnette, c'était une auto beaucoup, là. Ouais. Puis, quand j'ai demandé à mon père c'était quoi, j'ai dit, papa, c'est quoi ça, ces autos-là? Il m'a répondu, ça, c'est un autocamion. Un autocamion, ouais. Autocamion. C'est un peu dans le même genre. Ouais, c'est ça. Mais qui aurait cru dans ce temps-là que ça aurait duré si longtemps que ça, puis que c'était, ça viendrait si populaire? Qui aurait cru qu'on pourrait en acheter à 50 000 $. Ouais, ça aussi. Mais bon. Il y a beaucoup de choses quand tu es rendu à 50 000 $. Tu as beaucoup, beaucoup, J'ai beaucoup de beaucoup, choix. beaucoup d'autres options qu'une Sienna puis une Odyssey dans la vie à 50 000 $. Ouais, pas mal. Donc, c'est ça, Jean-François, on va passer à ton sujet. Tu voulais nous parler de IndyCar. Et oui, c'est le mois de mai, c'est ça, c'est mon mois préféré parce que c'est ma fête dans le mois de mai. Puis Bon, aussi, ouais. ben, c'est le mois des courses. Je veux dire, côté NASCAR, ils passent quasiment le mois à Charlotte. Puis Indy, ben, c'est le Indy 500. C'est le temps du Indy 500. Cette semaine, on est dans la période de la pratique des qualifications. La qualification au Indy 500 est vraiment spéciale. Parce que c'est pas vraiment relié sur le temps, mais bien sur la vitesse. Fait que durant la semaine, ben, ils se pratiquent avec leur véhicule. Puis le vendredi, c'est une pratique spéciale qu'ils font. C'est vraiment, ils appellent ça le Fast Friday. Alors c'est une pratique où celui qui a la vitesse la plus rapide, ben, c'est lui qui gagne la pratique en fin de compte. Ils vont quand même assez vite. Je vous dirais qu'ils vont à peu près des moyennes de 230 000 à l'heure. Ils n'ont pas des kilomètres, mais des C'est milles à l'heure. le plus haut top speed ou la plus haute vitesse moyenne sur un tour? Je vais dire ça parce que je sais pas si c'est moyen, mais je pense que c'est moyen comme qui calcule ça. Ok. Ouais. Ok, Pas parce que ça, nécessaire. c'est pas juste, on enlève toute l'aérodynamique, on fout le pied dans le fond, puis on essaye de voir comment il se rend. Non, non, non, non, parce que le but, c'est d'aller. Parce que la qualification, le but, c'est vraiment le tour le plus rapide, mais pas en termes de temps, mais en termes de kilomètres. Fait que, tu C'est sais, ça, c'est la vitesse moyenne la plus rapide. c'est ça. Fait que déjà là, je trouve que 230 000 à l'heure pour un tour, c'est quand même Ouais, mal vite. c'est juste 370 km/h. C'est juste ça, je Ouais. pense pas. Je pourrais C'est rouler ça sur nice. l'autoroute, ça. Ouais. Ouais, en tournant Avec en rond. ta cobalt. Ah, faudrait qu'elle ait bon moteur de suffisante. Pourrais peut-être perdre certains morceaux. Hein. C'est ce qui risque d'arriver. Ouais, peut-être. Puis freiner, oublie ça. Pour avoir déjà un Même avec ces proche parent voitures-là, je à pense que c'est ça qui TG5, se fait. je te dirais que t'es peut-être mieux de pas essayer. Parce que même avec ces voitures-là, c'est oublie ça de freiner, là, je veux dire. Ouais. Juste en 2 jours, il y a eu 2 accidents. Puis des assez spectaculaires. OK. Il y a, ouais, mercredi, il y a eu Helio Castroneves, le pilote qui a quand même gagné beaucoup d'Indianapolis 500. Lui, son auto a vraiment volé dans les airs. Il a fait de mauvaises manœuvres, puis il a frappé le mur, puis en frappant le mur, l'auto est partie dans les airs. Fait que, il y a des belles prises de vue sur Internet, c'est assez épeurant. Surtout celle dans le cockpit. Je dirais que je pense que j'aurais fait un dégât dans ma soute, dans mon Ça uniforme. prend une paire de bobettes neuves. Ouais, parce Ouais. que tu sais même pas où t'es où, là. Tu vas dans les arbres, tu sais pas t'es où. Oh, ça doit être assez. Tu dois être out et pas out d'atterrir. Ouais, c'est ça, parce que tu sais ça va cogner quand ça va aller là. Ça doit être assez quelque chose, ouais. Fait que présentement, il y a 2 types de moteurs dans Indy, c'est Chevrolet puis Honda. C'est la course à qui va gagner la course entre les deux moteurs. Comment ça fonctionne? Durant le mois, il y a chaque conducteur a 2 voitures. Il y a la voiture d'origine, puis il y a celle de secours qu'on pourrait dire si jamais le backup, si jamais Nous, la on a des voiture roues se de passe. spare, puis eux autres, ils ont des autos de spare. Ah, c'est C'est ça. ça. Ils n'ont rien qu'une, par exemple. C'est pas comme ils n'ont Moi plein aussi, j'ai juste puis. une roue de spare. Comment? Non, je pense pas ça, ils n'ont plusieurs personnes. Je pense que je sais pas combien de pneus qu'ils doivent Ah, eux autres, pousser ouf, en quelque course, chose. c'est l'enfer. Ah, ça doit être Ça doit assez être quelque quelque chose. chose. Parce que à la vitesse qu'ils vont, je pense que comme en NASCAR, je pense pour la fin de semaine, je pense qu'ils ont 17 de pneus, je pense. Juste pour la fin de semaine. OK. C'est pas beaucoup, là. Non. Parce que dans une course, à peu près 3 fois, deux arrêts au puits, à peu près. Fait que c'est assez dur, c'est les pneus. Fait que c'est ça. Fait que la façon que ça fonctionne, bon, le vendredi, c'est ça. Le samedi, c'est chaque compétiteur a trois chances de se qualifier. Celui qui donne le signal, c'est pas le, comment je pourrais dire, la personne qui s'occupe du départ. C'est vraiment une personne de l'équipe qui s'en va dans le coin puis qui dit OK, là tu pars. Parce que c'est vraiment l'équipe qui décide OK, tu y vas pas là. OK. C'est ça. Puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre les 33 premiers résultats. Eux, ils s'en vont, eux, à la course, ça, c'est assuré. Puis les 9 premiers, eux, ils ont une autre qualification le dimanche pour savoir qui va être le premier, qui va avoir la pole position. OK. Ouais. C'est comme, c'est en, faut pas que je me trompe, en 2011, c'était Tagliani qui l'a eu la pole position. Fait que ça a été... Mais c'était pas le même règlement parce que ce que je vous parle, ça a été implanté en 2014. OK. Je pensais que c'était étrange comme ça parce que c'était une réminiscence dans une super vieille piste de course puis que c'était parce qu'ils faisaient de même dans le temps. C'est parce qu'avant, il n'y avait pas trois tours, c'était 6 heures. Ah, OK, c'est ça la façon qu'ils c'était font. 6 heures, c'était le qualifying day, là. C'était toute l'après-midi. Il pouvait faire le nombre de tours qu'il voulait. C'était vraiment celui qui avait la vitesse la plus rapide qui avait la pole. Là, ça a changé, puis je trouve ça. En tout cas, je sens que c'était plus le fun avant que c'était les 6 heures. Parce que ça changeait tout le temps. Ah, oh, il est rendu premier. Ah, oh, il est rendu premier. Ah, oh, il est rendu deuxième. Il revient premier. Il revient deuxième. Donc, comme un peu tué le suspense dans ça. Ouais. Mais avant, c'était comme en Formule 1. C'est-à-dire celui qui avait le tour le plus rapide. Ouais. C'est, ouais. Pas nécessairement la vitesse la plus rapide, mais le tour. Mais ça durait pas juste une heure. Ça durait 6 heures. Ah, OK. Ouais. Parce que dans une heure, je pense, à 7 heures du soir. Puis ça, le gagnant se dévoilait à 7 heures le soir. À la dernière seconde. Ça arrivait assez souvent. OK. Puis, cette année, chaque voiture a deux tours d'échauffement avant de partir pour faire son tour de qualification. Fait que c'est un peu comme à la méthode NASCAR, un peu. Je sais que NASCAR, ils ont changé leur méthode aussi. De qualification. Qui, en tout cas, je suis pas très chaud à l'idée de changer ça, là, pour NASCAR aussi. Pour le même principe, ou? Non, NASCAR, c'est comme la Formule 1. Il y a trois séances de qualification. La première, ils sont toutes là. Après ça, la deuxième, ils réduisent ça à, je pense, c'est 33. Non, c'est 24. Après ça, c'est les 10 premiers, c'est fini. OK. C'est que c'est un peu. C'est pas comme avant que c'était chaque personne avait un tour à faire, puis ça fonctionnait comme ça. OK. Ouais. Ouais. C'est peut-être un peu plate. Bah, c'est un petit peu plate, en tout cas. Mais il essaie de renouveler le spectacle, puis. Mais en tout cas. Ouais. Ça pogne moins, fait qu'il essaie de trouver des manières d'attirer le monde. Ouais. Mais il y a tellement d'offres. C'est comme n'importe quoi. C'est comme n'importe quel sport aujourd'hui. Tu travailles pas mal fort pour. Pour attirer. À part la course à Indianapolis, qui c'est une piste, c'est une légende aux États-Unis, mais à part ça, le circuit d'IndyCar, il est comme pas mal obscur pour le reste du temps. Je veux dire, au Canada, il y a Toronto, mais c'est pas comme avant qu'il y avait Toronto et Vancouver. Ouais, puis avant, quand il y avait Players, des pilotes canadiens, ça passe sous le radar pas mal. Là. Ouais, là, ça passe vraiment sous le radar parce que là, en plus, tu sais. En plus de ce week-end et de qualification-là, NASCAR, c'est leur course des étoiles. Ouais. Les autres, là, c'est sûr que ça fait une genre d'éclipse dans le domaine de la course. C'est sûr. Déjà, c'est assez populaire. Avant, ça s'appelait le Winston, parce que c'était une marque de cigarettes, vu qu'ils sont plus... Vu qu'ils sont plus dans la course, comment? C'était la coupe sprint, un temps aussi, je pense. Ça a changé le nom de coupe de fois. OK, c'est ça. Ça, c'est le championnat. Mais la course, ça s'appelle The Winston. Là, ça s'appelle All-Star Race, tout simplement. Fait que c'est ça. Fait qu'en plus de ça, il y a... Ouais, ben c'est ça. Fait que c'est sûr que l'Indy a bien de la misère à se faire valoir. Je veux dire que NASCAR... est en train de tout, il avale tout, là. Je veux dire, c'est le circuit aux États-Unis qui marche. En tout cas. Mais par exemple, la course elle-même à Indianapolis est quand même assez impressionnante, pareil. Parce que c'est au début de la course, c'est 3 autos de large, non pas 2. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de dépassements, puis d'accrochages. Des accidents, il n'y en a quand même pas beaucoup parce que quand tu fais un accident, c'est assez élevé, là. Soit tu rentres dans le mur solide ou soit tu voles dans les airs et tu rentres dans la clôture de métal. Non, c'est pas des voitures qui sont bien ben lourdes, hein? Fait qu'ils sont Non. portées à lever dans les heures quand il se passe de quoi. Assez facilement, juste à taper Elio Castroneves Indy Accident ou Joseph New Garden, vous allez voir que les autos, ça prend pas grand chose pour lever là, dans les airs. Là. Une chance c'est bien construit et que c'est sécuritaire parce que. Ben. Oh, c'est solide. Oh, ouais, c'est ça. C'est assez incroyable ce qu'on était capable de faire les dernières années pour rendre ça sécuritaire parce que. C'est tellement une aile d'avion à l'envers. Non, ouais, c'est ça. Comme Ouais. Ça, que quand un coup ça lève de terre, là, c'est fini, là, ça s'envole. Ouais. Je veux dire, ils font face à des forces G quasiment de pilotes de astronomique. F-18. Non, ça doit pas être évident. Pour être pilote comme ça, faut que tu sois en forme pas à peu près, là. Très. Parce que les rythmes cardiaques, ils vont quand même assez vite. Tout le monde pense, ah, oh, c'est facile de conduire une auto. Ouais. Oui. Conduire une auto, OK, mais conduire une Formule Indy qui va à 300 000 à l'heure, Juste de c'est dur tenir pour le ta cœur. tête vis-à-vis de ton cou quand tu prends une courbe à cette vitesse-là, ça doit être quelque chose. Hein. Non, oui. Avec un casque en plus, puis En tout à coup. plus, Ouais, c'est ce qu'on réalise pas, là. Puis, je veux dire, juste aller faire de la piste avec une voiture normale, ou puis que tu pousses on le sent pas déjà. à la tonne, tu le Ouais. sens déjà, là. Tu faut que tu te battes avec la voiture pour la garder sa piste. Faut que Oh, puis tes c'est bras pesant un travaillent casque, fort. là. C'est un casque, c'est pesant. Le fait d'essayer de rester aussi bien en place sur ton siège, eux autres sont bien strappés, là, c'est quand même pas C'est si assez pire, dur là. d'aller ailleurs, ils Sont pourront pas bébé strappés puis bouger. sont pas très confortables non Non, c'est plus. ça, tu sais, mais c'est dur pour le corps, là. Et puis il fait 3000 degrés à hauteur de l'asphalte, là. Il n'y a pas d'air climatisé, là, de même, là. Même s'ils vont vite, là, ils reçoivent pas d'air, là. Non. Il fait Non, chaud quelque chose de rare là-dedans, là. c'est ça, là. Ça passe au-dessus, puis non, c'est assez incroyable, là. Puis même en NASCAR, ils appellent ça, au Québec, il y en a certains qui appellent ça des sécheuses. Ouais, c'est ça, c'est presque des fumoirs. Que tellement ça chauffe là-dedans, Ouais. c'est l'enfer. Non, Mais ouais, ça doit pas être vraiment confortable. non, ben je m'ai toujours mentionné Tagliani à une course au Texas, il avait dit qu'il avait été obligé d'aller dans une base américaine parce que la voiture allait tellement vite qu'il pouvait perdre connaissance dans la voiture. Y Avait une piste à un moment donné que t'as-tu Las Vegas ou quelque chose que tout le monde perdait connaissance? C'était au Texas. Au Texas? Ouais. Là, il allait tellement vite, puis même dans les jeux vidéo. Quand on prend cette piste-là, tu breaks vraiment pas. Même en NASCAR, tu breaks pas parce que tu vas tellement vite que le virage n'est pas fait pour freiner comme dans les autres pistes. Ok. Fait que ça va tellement vite que ils disent, on est Côté obligé d'aller à grotesque la réponse étape-là. militaire, aller chercher des uniformes. On va perdre connaissance avec les forces G qu'on fait face. Ça me tente pas de tomber connaissance au milieu du virage 2 puis. Oui, à 250 000 à l'heure passée, ça doit être plaisant, perdre connaissance. Ouais, Ouais, frappe un c'est dans mur. le mur pis c'est fini. Quand tu Ouais, te c'est ça. réveilles, je sais même pas t'es où, là. Non. Je sais même pas s'il se réveille, tu sais, je veux dire. C'est ça, oui, ça. Non, frapper le mur à 250, à 300, quoi, on disait Ah, ça doit être. 370 Ouais. km/h. Ah, puis Hey. même Ouais, là, écoute, on kilomètre-heure. s'entend, là. Ça, c'est sur une autre piste, là. Sur cette piste-là, ils doivent être sur le bord d'être à 300 000 à l'heure. Ouais. Ben, peut-être. Non, c'est effectivement un sport assez dangereux. Très. Faut que tu Mais saches dans la qu'est-ce que tu fais. police. C'est une course mythique, c'est comme le Daytona 500, fait que c'est sûr que tout le monde veut s'essayer. Je sais que Maintenant. Tagliani est là cette année aussi. Il fait pas la saison complète, il fait juste cette course-là. Ah, c'est quand même pas pire qu'il soit capable d'avoir un volant pour la plus grande course. Ouais. Fait que Mais son nom est assez bon pour que quelqu'un lui donne un volant, j'imagine. ben, s'il a eu la pole position, c'est parce qu'il y a du talent. Non, c'est clair, là. Il a toujours eu du talent, Tagliani. Ouais, ça, Mais. c'est sûr qu'il y avait pas la voiture pour performer dans les dernières années en Indy. Je veux dire, c'est pas Il n'y a pas comme assez d'argent pour Penske. s'acheter un volant non plus, c'est surtout ça. Ouais, ça l'affaire. Mais tu sais, il est fort en NASCAR qu'en Indy, mais tu sais, c'est pas la même chose qu'en Indy. Je veux dire, Ça n'a pas le même panache. Je veux vraiment pas. Ouais, c'est ça, c'est pas le même prestige, des choses comme ça, là, mais non, c'est quand même intéressant. J'ai toujours dit que j'inviterais à un moment donné Bertrand Godin à venir nous parler de sa carrière Ouais. de pilote. À un moment donné, il faut que je le fasse. Faut que C'est pas mal fun parce j'ai que. envoyé un message. Il m'a dit qu'il était partant. Fait que ça va être vraiment un show à un moment donné, ce que je vais faire avec lui. Je vais lui demander de nous conter son histoire de pilote. Ça doit être sûrement assez Parce que intéressant, puis voir. lui a vécu l'écurie Players, où il a vraiment été dedans, fait que. Ouais, oh, oui. Non, je suis sûr que ça ferait un bon show, voir Mais son histoire, là, comment est-ce qu'il a passé oh. à travers ça, puis ce Vu que le ça prend. segmentaire à 4 épisodes, ben, ça finira jamais. Ouais, peut-être le faire en 2 émissions, hein, parce que Bertrand, il a de la jasette. Oui, il y a Il beaucoup est de jasette. super, il est Il est super super fin. fin. Oh, il est super fin. À chaque fois que je le rencontre, c'est super le fun, mais oui, il a de la jasette. Tu le pars, là, puis il est capable de te conter des histoires pendant un bon bout de temps, là. Pourrait être bien intéressant. Fait que c'est les qualifications, c'est en fin de semaine, la course, c'est la fin de semaine prochaine. 24 mai. 24 mai, je te dirais, c'est la plus belle journée pour moi, là. Malgré que c'est la veille de ma fête. C'est que le matin, d'habitude, c'est Monaco. Ouais. Le midi, c'est Indianapolis. Puis le soir, c'est le Coca-Cola 600. La plus longue course de NASCAR. Bon. Qui commence à 6 h, qui finit à minuit à peu près. OK. Puis dans les deux, il y a toujours un ou deux pilotes qui créent les deux courses. OK. Faut vouloir. Ouais, d'habitude, c'est soit Tony Stewart. L'année passée, c'était Kurt Busch. Celui qui a comme été dans le trouble pour avoir été accusé de. Je dirais pas coupable, mais accusé d'avoir battu sa copine. OK. Ouais, en tout Il cas. sera peut-être pas là cette année. Il vient d'en revenir de sa suspension de NASCAR. OK. Là, je pense que c'est Jeff Gordon cette année qui fait les deux. Jeff Gordon, vu que c'est. Je sais pas, non, non, c'est pas vrai. Il conduit la PS Corp, après ça, il va faire la course à Charlotte après. OK. Ouais. La Pescar qui est la Corvette. C'est ça. Ouais, fait que. C'est sûr, Jeff Gordon, ça vaut la peine. C'est sa dernière année en NASCAR. Ouais. Il a fait du IndyCar. Puis, ben, c'est Chevrolet. Ouais, c'est ça. Il est pas mal associé à Chevrolet depuis un bout de temps. C'est ça. OK. Fait que c'est une belle journée pour quelqu'un qui aime les courses le 24 mai. Ben, c'est ça. Fait que finalement, tu dis à ta blonde, chérie, aujourd'hui, je n'existe pas. Puis. Je pense que je vais peut-être plus les enregistrer que dire. De toute façon, je serai pas à Montréal, fait que je pense que je vais les enregistrer. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Ça regarde bien en différé. Faut juste que tu essaies d'éviter de savoir qu'est-ce qui s'est passé Ouais, c'est ça, le les spoilers. journal. Ouais, puis des fois c'est plateur. Ouais, un journal c'est quand même pas trop pire. Normalement, si c'est pas du hockey, y a pas c'est pas en première page au Les moins. journaux, non. C'est sûr qu'ils en parlent pas aux autres. À moins qu'il se passe un gros accident pis qu'il y ait 14 morts, là. Normalement, ça sera pas la course Indy fera pas la première page de. À moins que t'aies gagné Gong, c'est sûr que t'en fais le front page. Ah, peut-être ça aussi. C'est Ah, sûr. ça, c'est. OK. Ouais, on y Oublie souhaite, ça dans mais 3 jours. t'sais, Ouais. ouais, ça serait quand On même le pas pire. souhaite, mais. Ça serait un beau baume sur la plaie de Canadien qui s'est fait éliminer. Ça pourrait être pas Ouais, c'est pire au moins. vrai. Un petit pilote local qui gagne le Indy, ça serait quand même pas pire. Mais Villeneuve l'a fait déjà. Oui, le fait. Mais c'est ça. Mais les gens, il y a des gens qui, tu sais, disent, ah, oh, il est plus français que québécois, puis. Ouais. Bon, mais bon, ça reste que il y a des racines québécoises. Ben oui, c'est ça. Il est né au Québec. C'est C'est ça ça. qui est pas pareil. C'est ça. Donc, merci pour cela. Ça fait plaisir. Juste revenir sur une coupe d'affaires, j'avais comme oublié d'en parler au début. Chevrolet a annoncé les prix pour la Volt 2016, ceux qui attendaient ça là, pour s'acheter une voiture électrique. C'est un peu plus haut que j'aurais pensé, là. Il y avait des rumeurs qu'elle serait 8 000 $ moins chère parce qu'elle coûtait moins cher à GM à produire, fait que les clients pourraient profiter de cette baisse-là. C'est pas vraiment si bas que ça. Le prix de détail suggéré d'une Volt 2016, le modèle de base, là, va être de 39 900 $. La 2015 de base est 40 095. Fait qu'on parle de ouf, pas une grosse différence, là, ben 1 900 $ à peu près, là. C'est pas une grosse baisse. Puis la Volt première, là, qui serait la plus équipée, elle serait 43 990. Fait que le prix est quand même pas si bas que ça. C'est sûr, il faut enlever le rabais de 8 000 $ du gouvernement si on l'achète neuve, puis des choses comme ça. Fait que ça ramène l'auto peut-être à 33 000 après rabais, là. Mais c'est quand même pas si pire pour ce que c'est. Mais je m'attendais à une voiture qu'après le rabais du gouvernement serait peut-être. Probablement qu'ils font juste moins perdre d'argent qu'avec la dernière version. C'est sûr que quand ça, la Volt a coûté très cher à GM à produire, fait que peut-être qu'ils ont décidé de renflouer leur coffre. Au bout du compte, elle a peut-être fini par faire ses frais, mais de justesse, si elle les a faites, la première génération. Fait ouais. D'après moi, la deuxième, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est bien beau couper les prix parce qu'elle coûte moins cher. Il faut quand même que tu fasses un peu d'argent avec. Là. Mais je m'attendais à une voiture un peu moins chère que ça. Je m'attendais peut-être à une voiture qui serait 35, 36 avant le rabais du gouvernement. C'est ce que les rumeurs disaient, là, que ça serait 35 peut-être avant les rabais pour la Volt de base. Après ça, mais bon. Ça... Le taux de change a planté tout ce temps-là. Ça n'a pas aidé. C'est sûr que le taux de change, le dollar à 82 sous à peu près, là, ça aide pas les choses. Oui, oui, parce que même dans le merveilleux monde du camionnage, mon patron s'est magasiné un camion récemment, puis depuis 2 ans, je te dirais que des camions qui se vendaient à 160, 170 000, se vendent 200 000. Ouais. Ouais, ça paraît, ça. Là. C'est ça. C'est sûr que ça paraît moins si tu vas acheter une boîte de céréales à Plattsburgh. Là. C'est ça. Mais tu sais, si tu achètes une Volt, ça paraît moins aussi. Mais tu sais, la proportion est plus petite. Mais reste, ça ouais. Donne une idée qu'il y a eu un changement. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est les prix qui ont été annoncés. Puis ceux qui suivaient Top Gear, je sais pas s'il y en a entre vous qui suivaient l'émission... anglaise, ouais. Top Gear. Ouais. J'ai suivi la nouvelle, par exemple. Ouais c'est ça. Il y a eu un problème avec Jeremy Clarkson, qui est l'animateur, bon, probablement le personnage principal de Top Gear, là, qui a, ben, pas supposément, il a sacré une mornif à un des producteurs de l'émission. Bon, ça a fait un tollé. La BBC qui produit l'émission l'a sacré à la porte. Puis là, les deux comparses, James May puis Richard Diamond, ont décidé que ben si lui était pas là, ben il y avait plus d'émission. Donc théoriquement, ils ont quitté la BBC. La BBC regarde pour créer une nouvelle version de Top Gear l'année prochaine avec trois nouveaux animateurs. Mais là, il y a sorti une nouvelle cette semaine comme quoi Netflix pensait amener les trois anciens de Top Gear, donc May, Clarkson, Hammond. Ouais, c'est ça. Ils les amèneraient sur un nouveau show. Puis, clin d'œil à la série de Netflix House of Cards, maison de cartes. La mission s'appellerait House of Cars, maison de voiture. Donc, j'ai hâte de voir si c'est vraiment quelque chose qui va se passer. Netflix sont sur une lancée. C'est sûr que c'est pas une émission où on parle de culture geek et des choses comme ça, là, mais j'ai récemment tombé dans la série Daredevil de Netflix et c'est excessivement bon. Donc Netflix sont partis sur une lancée pour se créer du contenu. Ils veulent devenir un genre de HBO ou un genre de compagnie qui fait pas juste jouer le contenu des autres, mais qui crée leur propre contenu. House of Cards, c'est une série qu'ils ont créée, qui est très populaire. Ils avaient pas repris Breaking Bad aussi, je pense, à un moment donné. C'est eux autres qui l'avaient repris, si je me rappelle bien, puis ils ont recréé la série, ils ont tourné les épisodes, ils ont mis ça en ligne. Puis ce qui est le fun avec Netflix, c'est que c'est pas un épisode par semaine, la série sort toute d'un coup. Fait que la journée que Daredevil a tombé sur le site de Netflix, c'était les 13 épisodes qui étaient là. Fait que tu peux t'asseoir puis écouter 13 heures de Daredevil puis la série finit en une journée. T'sais, t'as pas besoin d'attendre une semaine pour avoir le prochain épisode. Donc j'ai l'impression qu'ils vont peut-être faire pareil avec la nouvelle émission du trio de l'ancien trio de Top Gear. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi j'aimais bien l'émission à petite dose. Parce qu'à un moment donné, ça venait presque ridicule ce qu'il leur faisait faire. Là. C'est des bouts, c'était presque grotesque, là, mais c'est sûr que d'écouter une fois de temps en temps, c'est distrayant. Non, oui. mais tu sais, ça venait redondant avec les années. Il y a beaucoup de gens qui se disent ah, c'est probablement juste un gros une grosse affaire qu'ils ont faite pour essayer de ramener de l'intérêt vers l'émission parce que ça a l'air que les codes d'écoute commençaient à tomber, des affaires comme ça. T'sais, c'est dur de te renouveler quand t'es rendu à. Si loin que ça, là, à faire des choses si incroyables avec des autos. Combien d'autos tu peux faire exploser de manière différente? Ou, c'est combien de courses de Ferrari tu vas rendre intéressantes puis à un moment donné? Là. C'est ça. Mais faut donner ce qui était à Top Gear, c'est qu'il y avait les moyens, c'était excessivement bien tourné. Il te présentait une voiture, il aurait pu te présenter une, je sais pas moi, une Chevrolet Acadienne 89, puis de la manière qu'il tournait les images, ça aurait eu l'air c'était cool ça. en plein air. C'est ça, tu sais. Mais bon, il y avait quand même des controverses dans l'émission. Certains constructeurs de voitures exotiques, je me rappelle pas si c'était polonais ou quelque chose comme ça, la voiture avait pris en feu sur l'émission. Puis il avait dit que Top Gear avait, tu sais, empiré les choses pour faire paraître les choses pires, des choses comme ça. Il y a aussi la controverse avec Tesla, comme quoi qu'il avait fait exprès pour que de pas charger la voiture pleinement, puis de la faire mal paraître sur l'émission. Puis il y avait eu une couple de petites anicroches comme ça avec certains constructeurs là, que supposément que pour les bienfaits de du spectacle, pour le show. Ouais, il y avait des choses qui avaient été faites pas nécessairement de manière correcte, là, mais bon. Ça n'a jamais été une émission de chronique auto pour savoir qu'est-ce qu'on va s'acheter demain. Là. C'était juste du monde qui se la pétait et qui se distrayait avec des véhicules. Oui, mais déjà, il y avait une section nouvelles, puis ils annonçaient les nouveaux produits et ces choses comme les ça. Nouvelles. Mais. C'est pas une émission d'auto comme on a ici ou quelque chose de mainstream. C'est pas RPM ou le guide de l'auto. C'est vraiment plus pété que ça. C'était vraiment un divertissement. C'est ça. Mais il y en avait, c'était vraiment drôle. À un moment donné, il disait aujourd'hui, vous nous avez demandé une chronique sur une voiture régulière que tout le monde peut s'acheter et la voici, on vous la donne. Puis c'était une Ford Fiesta. Puis il avait amené ça en zone de dans une zone de guerre où les l'armée, je sais pas si l'armée britannique ou l'armée américaine faisait des tests. Là. C'était vraiment comme une espèce de pratique d'invasion d'une plage. Puis là, il avait mis deux soldats sur le siège arrière, un soldat sur le siège passager, puis c'était Clarkson qui conduisait. Puis là, ils ont débarqué la Fiesta d'un espèce de bateau qui amène sur le bord de l'eau pour que les troupes débarquent. Puis ils avaient débarqué la voiture là, puis les soldats avaient descendu les fenêtres pour tirer dehors, tirer du monde à travers les fenêtres, des choses comme ça. C'était vraiment, vraiment drôle. Mais tu sais, c'était comme, vous vouliez une chronique d'un char ordinaire, ben on vous la donne. Hein? Pourquoi je suis aucunement surpris que cet homme-là ait punché ce producteur en pleine face? Ouais, mais c'est il y a un certain caractère. Là. Tout le monde connaît le caractère de Clarkson. C'est un gars qui n'est pas facile à vivre avec. Là. C'est une vedette. Là. Mais quand tu as cette notoriété-là, tu peux te le permettre d'une certaine façon. Ouais, peut-être. Là, mais ça reste que tu peux rester sympathique avec le monde qui ont fait que tu t'es rendu là. Mais c'est quand même ça. Mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. S'il y a des développements, on en reparlera, parce que c'est quand même une émission culte, le Top Gear. Ça fait des années que ça dure. Puis, à un moment donné, ça jouait, V le jouait, à un moment donné, en version traduite. Puis, j'avais commencé à l'écouter comme ça un peu. Puis après ça, ils ont arrêté de le jouer. Fait que je me suis abonné à BBC Canada où ce qui jouait l'épisode et où ce qui jouait les épisodes. Puis je les enregistrais toutes. Puis à un moment donné, je m'étais tapé une journée de congé de Top Gear à grandeur là, pour m'apercevoir que il y en avait une couple que j'avais déjà vu. Je les enlevais là. Mais il y a beaucoup beaucoup d'émissions. Ils ont fait plein de saisons. Je pense qu'ils étaient à 22e saison avec cette gang là. Fait que ça a quand même duré un bon bout de temps. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire plus tard. Mais il y a des dérivés. Il y a Top Gear France, il y a Top Gear USA. Aux États-Unis, ont leur gang. Il y a Top Gear en Corée, je pense. Il y a une couple de versions dans différents pays de Top Gear. Si jamais quelqu'un à Radio-Canada veut faire un Top Gear, je suis prêt à y aller. Ça serait le fun. Il me semble que ça serait vraiment pété. Top Gear. Battre des autos. Ouais, Top Gear Québec ou Top Gear Canada, me semble, ça serait cool. Mais bon, ça arrivera probablement pas. Ça doit coûter cher à produire. Donc, messieurs, on va terminer ça là-dessus, sur ces balivernes. Si les gens veulent vous rejoindre, comment font-ils, Jean-François? Sur Twitter, JFFLU. Puis non, pas te laisser un petit message sur le site des Alouettes. Non, ça marche pas de même. Hein? Non. Non, ça, non, pas ça. OK. Twitter, JFFLU. Toi, Martin? Ah, ben sur la plupart des réseaux sociaux, Martin Sagala. C'est bon. Moi, c'est sur Twitter, Ascalazormo. Il y a le compte du Podcast Auto qui est à Podcast Auto. Il y a aussi le site podcastauto.ca où il se passe pas vraiment grand-chose, mais vous pouvez trouver toutes les émissions là-dessus. Si vous voulez me lire, vous pouvez aller sur le blog de Kijiji, frkijijiblog.ca, dans la section véhicules. Si tout va bien, je vous annonce que nous allons avoir quelques nouveaux collaborateurs. Il y a Simon-Pierre Delavec qui prend un petit break de Lavec, qui a travaillé très fort dernièrement sur le projet de Lavec avec le Branchez-vous et tout ça. Donc, on va avoir un nouveau collaborateur qui va venir de Lavec. J'ai commencé à discuter avec lui et tout ça. Donc, on va avoir un nouveau collaborateur de Lavec. Puis on va, c'est ça, on va venir, il va venir jaser de voitures électriques. Puis j'ai deux autres, peut-être même trois autres collaborateurs qui sont peut-être intéressés à venir nous jaser de temps en temps de sujets divers. Donc, je suis en train de regarder ça, là. Des fois, donner un break à mes comparses. Des fois, si ça ne donne pas pour quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui peut venir remplir, des choses comme ça. Donc, je vais essayer d'avoir quelques nouveaux collaborateurs tout en gardant mes actuels. Je n'essaie pas de les remplacer. Je veux juste ajouter. Et puis, il y a peut-être d'autres choses qui s'en viennent aussi tranquillement pour le podcast. J'espère que vous aimez ce qu'on fait. Oui, des fois, on a l'air nono, puis on fait quelques petites niaiseries, mais ça fait partie de notre charme, j'imagine. Si on a le charme. Bon, alors je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour une autre semaine. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye-bye. Bye-bye.